est tout pile 14h. Voilà donc, depuis il y a 14h quelques secondes, voici donc l'émission comme tous les mardis entre 14h jusqu'à 17h avec Nicolas sur Arc-en-Ciel, la radio tout en couleur. Et bien donc, j'espère que vous allez très bien avec ce temps-là un petit peu chaud dehors, mais quand même, la musique est là pour vous, donc ça vous va très bien. Voilà donc, et bien aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée et puis un début de semaine. Voilà donc, eh bien, sans plus tarder, l'émission va débuter, bien sûr, comme tout le temps, avec France Gall, une des chansons. Et puis, juste après, il y aura d'autres chansons françaises et étrangères. Voilà donc, eh bien, bon après-midi à vous tous et à vous toutes. C'est comme des années. Que faire, quoi que je fasse, une seule chose au monde m'empêchait de respirer et d'exister. Je l'aimais, je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais. Je savais que je l'aimais, je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais. Je savais que jamais, jamais je ne pourrais l'oublier tout à fait. Et je réalisais que je l'aimais, je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais. Objets inanimés, avez-vous donc une âme? Et peut-on vous oublier? J'aimais dans mon passé, mais je me sentais femme. Et le futur me gagnait. Et je sentais que je l'aimais, je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais. Je savais que je l'aimais, je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais. Je savais que jamais, jamais je ne pourrais l'oublier tout à fait. Et je réalisais que je l'aimais, je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais. Je l'aimais, je l'aimais. sépare. En s'embrassant dans un regard, et loin de toi pendant des heures, je vis à l'ombre du bonheur. J'ai tant besoin de ta présence, de ces heures bleues de confidence, que dès que tu es de retour, je ferme la porte à double tour. Tendresse-moi les yeux du cœur du bout des doigts. Tendresse-moi quand je suis dans tes bras. Redis-moi que j'ai tout pour te plaire. Ce sont les mots que je préfère quand tu les dis tout bas. Tendresse-moi des yeux, du cœur, du bout des doigts. Tendresse-moi chaque fois que tu penses à moi. Même quand la vie fait du mal, on s'aime et c'est le principal. Y'a plus d'ennui, y'a que de l'amour, demain sera notre jour. Tendresse-moi, les yeux du cœur du bout des doigts. Tendresse-moi, quand je suis dans tes bras. Redis-moi que j'ai tout pour te plaire. Les années passées, je vis dans cet espace que j'ai construit. Lorsqu'il ne reste que trop de place et que mes rides font la grimace, papa, je serai comme tu l'étais. Un bon père, je te le promets. Complice et le meilleur ami pour chacune de mes deux filles. J'ai fait la promesse, le pari, de les protéger pour la vie. Mais comment percer le mystère des enfants qui vous sont contraires? Quand les enfants s'en vont, parfois sans larmes et souvent sans façon. Quand les enfants s'en vont, reste le fruit de l'enfant qui a grandi. séancité, séancité. Devant les accomplis des faits, sommes-nous les héros d'un instant ou les victimes de nos enfants? Mais si c'est le prix du bonheur, la raison d'une histoire de cœur, je serai comme d'autres soumis au reflet des yeux quand ils brillent. Laissez les bras de ce salaud toucher à la peau de ma peau. Entre le doute et puis la peur qu'il ne soit pas à la hauteur. Quand les enfants s'en vont, parfois sans larmes et souvent sans façon. Quand les enfants s'en vont, reste le bruit de l'enfant qui a grandi. Quand les enfants s'en vont, les bleus à l'âme reviennent à la maison. J'ai crevé l'oreille, j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend des jours fériés quand Gisèle claque dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la roquette carmélite. La mère m'a vu venir, Dieu avait mis un culte. Y'a dû y avoir des foutes. De maman. Mes circuits sont niqués, y'a un truc qui fait masse. Cours, on peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe, je le feuilleton à la place. Oh merci, je te maman. Je suis un saïdo, je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je vais me découper. Si bon, des points qui est disque là. Désir pour que rien ne cesse. Cœur transi reste sourd au cri du marchand de place. T'as vu ce qui passe, je le feuilleton à la place. Oh merci, je te l'amour. On légionnaire à ton prochain, et la tranchée vient d'être peinte. Écoute, ça continue, je vais te couper. Suivant les points j'ai dû rêver trop fort. Ça me prend des jours fériés quand j'y se claque dehors. J'ai crevé l'oreiller, j'ai dû rêver trop fort. Je voulais pas te faire de peine, je voulais pas te donner une vie comme ça. Je voulais t'en donner une pleine, pas une trouée où t'aurais froid. Je voulais pas que tu m'aimes la semaine avant celle où t'aimerais ton papa. Excuse-moi, je voulais pas que t'apprennes l'amour en éclats. D'ailleurs, c'est ça que t'apprends. D'ailleurs, c'est ça que tu comprends. Y'a rien de moins sûr que le bonheur, y'a rien de moins dur qu'une moitié de cœur, bien sûr. C'est ça que t'apprends. Excuse-moi, je voulais pas te faire de mal, je voulais pas être une maman comme ça. Un matin qui te fait tes céréales et le lendemain qui m'aime plus là. Je voulais pas que tu m'aimes de tout ton cœur si c'était pour lui faire un bobo. Chaque foutue fois que sonnerait l'heure d'aller faire dodo ailleurs. D'ailleurs, c'est là que tu vas. Ailleurs, même quand t'es dans mes bras, c'est ailleurs que tu te réfugies. J'ai pas la chaleur qui suffit. Ailleurs, c'est là que tu vis. Ailleurs, c'est là que tu t'enfuis. T'as pas de chez toi ou t'en as mille. D'ailleurs, c'est pour ça que tu t'exiles. Beaucoup plus, je voulais pas te donner une vie comme ça, dans les valises, avec ta suce et une doudou sous le bras. Ailleurs, et je peux pas te retenir. D'ailleurs, j'ai bien mieux à t'offrir qu'une berceuse un soir en personne et l'autre soir au téléphone. Qu'une chambre qui change de couleur de dimanche en dimanche. Change d'odeur chaque fois qu'elle se penche la nuit au-dessus de ton lit. Bien voici donc, il est 14h18, voici Nicoletta, la musique. Moi qui brûlais ma vie aux quatre coins des nuits, qui marchais sans but au long de l'ennui. De gloire. Yeah. pour Pam, l'amie de Thionville, qui m'a accompagné au studio de Paris, qui a enregistré sa première chanson avec Steve. Et puis donc, voici une de ses chansons qu'elle a repris aussi avec Céline Dion, mais elle va présenter tout simplement au mois de juillet, tout simplement, et bien ce titre. Donc, et bien avant, on écoutera tout simplement une de ses reprises de Céline Dion. Donc, un petit bonjour à Pam. Voilà, donc il est 14h27. Eh bien, on va accueillir eh bien trois personnes qui sont avec moi, tout simplement. Voici donc Chris, qu'on connaît un petit peu. Bonjour. Comment vas-tu, Chris? Eh ben, très bien. Et toi, mon Nico? Très bien. Je suis bien content que t'as bien voulu venir. Eh ben, ça fait toujours plaisir de venir à Radio Arc-en-Ciel. Il n'y a pas de souci. D'accord. Et puis, t'as ton ami aussi avec toi. Alors, j'ai mon ami qui va se présenter, d'ailleurs. Eh ben, l'ami de Chris, il s'appelle Antoine. Et il remercie Nico de nous accueillir ici. Ben, de rien. C'est moi, je vous ai vu tout ça pour voir comment vous êtes connu, enfin, compte. Et puis, comment ça connu ce spectacle que vous faites pour les enfants. C'est pour ça que j'ai un peu aimé de lire tout cela. Puis je me suis dit, d'aller les voir. Et puis j'ai un peu voulu. Et puis je me suis dit, on va voir avec Chris, tout ça, même son ami. Voilà. Eh bien, en fait, oui, c'est ça. Tu as bien noté que nous faisons des spectacles jeunes publics. Exactement. Et comment on s'est rencontrés avec Chris? Eh bien, on vient tous les deux de l'animation. Oui. D'accord. Il y a fort longtemps, voilà. On a fait de l'animation dans des colos, dans des centres de loisirs, et donc on a touché au spectacle jeune public assez rapidement. D'accord. Ensuite, on s'est un peu perdu de vue pendant combien de temps ? Une dizaine d'années. C'est ça, une bonne dizaine d'années. Et ensuite, on s'est retrouvé lors de quelle occasion, Chris ? Je ne sais plus trop. Eh ben, je donnais un concert à l'Escargot, à Orléans, et tu as entendu de la musique. De la bonne musique. Et il a dit, c'est Chris. Et donc, du coup, voilà. Je me suis arrêté. J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Et voilà, donc du coup, je lui ai dit, on s'est retrouvé à cette occasion. Et puis, après, comme on dit, l'occasion a fait le larron. C'est-à-dire que donc Antoine souhaitait se relancer, puisqu'il avait déjà fait une carrière dans le spectacle jeune public, se relancer donc dans cette avec ce projet. Et voilà, et puis moi je lui ai emboîté le poche, j'ai dit écoute, moi ça m'intéresse. J'aurais pas été capable de le faire tout seul, mais j'ai dit à deux c'est mieux, donc si tu veux bien de moi, et bien allons-y ensemble. Voilà. Mais là, je vois que vous avez pris des enfants âgés, disons des agents petits, entre 1 an, 3 ans, 5 ans. Et pourquoi que vous avez pris cet âge-là ? Parce qu'il y a des enfants de 16 ans, 18 ans, tout ça. Alors et donc, là, vous avez une période. Ouais, ouais. Bah, en fait... J'ai plus des enfants à 16 ans. Non, mais j'ai augmenté, parce que j'ai vu que vous mettez 1 an, 5 ans, mais on pourrait appuyer, vous avez pu prendre plus. Bah, et donc, C'est peut-être une bonne idée, Nico, de faire des spectacles pour les ados. Pour les ados, je sais pas si on a tellement. Nous, on fait pas parce que c'est pas le public qu'on a fréquenté lorsqu'on travaillait dans l'animation. Donc, c'est parce que à cet âge-là, on est encore dans le milieu du rêve. On a encore une imagination débordante, donc on peut les faire rêver, on peut les faire voyager par des spectacles. Donc, oui, c'est un choix d'avoir pris cette tranche d'âge là. Et puis c'est là aussi où il y a le plus de demandes, hein, parce que les spectacles pour ados, après il faut les vendre, et on n'y a pas réfléchi, peut-être à creuser, hein. C'est peut-être une bonne idée, hein. Mais vous êtes en fait, si vous faites ça, c'est que vous avez un cœur pour ça, de faire ça. Vous n'êtes pas forcé de l'avoir fait, en fait. Non, c'est une envie. Disons qu'on a toujours fait un petit peu ça, et puis on avait envie de se professionnaliser. Se professionnaliser dans le spectacle pour jeunes publics. Essayer d'en vivre, quoi. Voilà. Et en fait, quoi, alors, quand vous arrivez, par exemple, avant de faire les spectacles devant les jeunes, tout ça, vous commencez à choisir qu'est-ce que vous allez leur faire montrer. Nico. Avant. Alors, c'est un long périple avant. Ouais. On peut pas se présenter devant un public sans avoir rien préparé. Et c'est une autre catégorie de spectacle. Ça existe. Oui. Mais devant des enfants, moi je connais pas. Hein. Donc non, nous les spectacles ils sont travaillés un an à l'avance. On écrit un scénario, on compose toutes les musiques, on enregistre les musiques, on fait des répètes. On crée les décors. Il y a un gros boulot avant de se présenter. On fait des séances test. Donc on valide le spectacle avant de le proposer. Devant une école ou ça public. Ça se fait pas comme ça. Il y a un gros boulot avant. D'accord. Donc vous n'avez pas, vous avez un peu le thème de ah ça. Oui. Ah oui, oui, oui. Ah bah on a même tout est écrit, voilà, tout est répété à l'avance. C'est un spectacle, quoi. Hein, c'est voilà qu'on propose avec un thème particulier, en direction d'une tranche d'âge particulière, puisque pour l'instant on a deux spectacles, qui est destiné plus à des enfants d'école élémentaire, c'est-à-dire 6-11 ans, et puis là on est en train de terminer un spectacle qui va plutôt s'adresser aux petits, alors petits maternels, voire un peu avant les crèches et éventuellement voilà, et on va certainement plancher cet été sur une autre idée, un troisième type de spectacle, mais bon, on n'a pas encore tout à fait défini ce que ça va être, mais Avec une précision très importante, c'est-à-dire qu'on voulait que les spectacles soient tous musicaux. Ah oui. Comme Chris est musicien, moi je gratouille aussi un petit peu. Donc il y a aussi une place à la musique qui est très importante. Qui est importante dans tous les spectacles, dans les trois. Enfin, dans les trois. D'accord. Et à chaque fois, quand tout ça, est-ce que les parents des enfants viennent vous demander des questions? Comment vous avez pu gérer ceci? Est-ce que ça vous aimait de faire devant les enfants tout ça? Oui. Oui, ça arrive que les parents ils viennent nous dire ce qu'ils en ont pensé ou comment on a fait, mais en général, ça se passe bien. On n'a pas trop de questions des parents. Si les enfants ont été réactifs et attentifs pendant le spectacle, c'est que ça s'est bien passé. Après, on répond à toutes les questions après les spectacles s'il faut. Hein. D'accord. Et comment le thème qu'on a, que vous avez mis, c'est la porte des oreilles. Porte à des oreilles, oui. Comment vous avez pu trouver ce thème? Parce qu'on aurait pu trouver un autre mot de cela. Alors. Donc en fait, je vais tout te révéler, Nico. Ah non, quand même. Si, non, alors, je dirais tout. Non, en fait, c'est pas compliqué. Écoute, hein, on prend une feuille blanche, on prend un crayon, on s'assoit à une table, l'un en face de l'autre, et puis voilà, le thème. Bon là, le thème notamment de la porte à des oreilles, c'est un travail sur le thème de la différence. D'accord. Donc, comment on pourrait amener aux enfants à expliquer la différence, mais de manière pédagogique, de manière amusante et pour qu'ils puissent comprendre le message, c'est-à-dire en fait le message de ce spectacle, c'est que c'est pas parce que une personne est différente de soi qu'il faut la rejeter forcément. Donc, c'est apprendre aussi à vivre avec des gens qui ont des habitudes différentes, des goûts différents, etc., des coutumes différentes. D'accord. Et voilà, donc à partir de ce postulat, et ben qu'est-ce qu'on écrit comme histoire pour mettre en scène ce thème? Ok. Et là, avant, il y a beaucoup de spectacles qui sont pas que sur l'or, mais il y en a un peu partout. C'est bien à vous ou vous essayez de prendre un peu quelques thèmes des autres d'autres? Ah non, vous restez. Non, parce qu'il y en a qui font ça. Ils voient que il y a un spectacle qui est bien, l'autre qui est pas bien. Ils essayent de mettre un peu ensemble. Voilà. Non, Antoine et moi, je me permets de parler pour toi si tu peux. Je pense qu'on est des gens qui ont l'esprit créatif. D'accord. Et nous, ce qu'on aime justement, c'est que ce qu'on produit devant un public, quel qu'il soit d'ailleurs, c'est une idée, alors qu'elle soit bonne ou non, hein, mais c'est une idée qui vient à 100% de nous, quoi. D'accord. Donc moi, copier les autres. Non, c'est vrai que sinon, on copie pas. On peut s'inspirer de choses qu'on a vues. Ou... Disons, on trouve un démo de vous. Disons, vous trouvez que ceci, cela. Ah, mais l'autre qui fait des spectacles comme vous, il peut aussi intéresser à vous. Donc vous mélangez les vôtres et les siens. Qu'est-ce que je veux dire? Après, ça peut arriver, ça. Ça peut arriver. Ça s'appelle du plagiat, monsieur, ça. D'accord. Merci. Voilà, on n'osait pas te le dire franchement. Après, oui, un peu. C'est pas trop forcément. Après, c'est une entente entre différents artistes pour travailler sur un spectacle. Après, prendre des idées des autres, non, ça va pas se faire, ça. D'accord. Non. Ok. Non, mais je me suis demandé ça parce que ça t'est arrivé, ça. C'est arrivé que certains artistes se soient fait copier des spectacles en partie, tout ça. Mais nous, c'est pas notre cas. D'accord. Puis on le recherche pas et il y a largement de quoi faire. Il y a largement de quoi s'inspirer. sans être obligé de copier qui que ce soit. D'accord. Et ça dure combien de temps en gros les spectacles que vous faites? Alors, la porte. On n'entend pas Chris. La porte à des oreilles, pardon. Donc c'est un spectacle qui dure environ 45 minutes. Ah, c'est. C'est pas. Qui dure environ 45 minutes. Et donc voilà, avec moitié théâtre, moitié musique. Et le spectacle pour les plus jeunes, donc qui s'appelle L'étrange voyage de. L'incroyable voyage de Zimo, il dure environ une demi-heure. Voilà. D'accord. C'est bien. Oh, ça va encore pour les petits. C'est pas. On voulait pas que justement ça soit trop long pour les tout petits. Mais une demi-heure, c'est bien. D'accord. Et bon, 45, entre 45 minutes et une petite heure, on va dire, pour la porte à des oreilles, puisque Stina a des enfants plus grands et qui ont une attention plus. Plus forte. Donc voilà. Moi, je trouve que c'est marrant parce que j'ai vu que vous faites ça et je trouve que c'est marrant de faire avec les enfants parce que ça fait un peu montrer aux petits, en fin de compte, que ça existe, les spectacles. Donc après, quand ils commencent à grandir, ils peuvent encore, ceux qui aiment bien, ils restent avec cela. Ça fait des souvenirs sûrement, oui. Oui, ils ont passé des bons moments. J'étais perdu. Ils ont, oui, certains enfants, par avoir vu un spectacle, peut-être se mettre à la musique ou avoir envie de faire un peu de spectacle, faire du théâtre. Donc, si ça peut favoriser l'émergence de futurs talents. De futurs talents, je dirais. D'accord. C'est fantastique. Voilà, ça sera bien. Et quelle musique vous faites avec? Parce qu'il y a plusieurs thèmes. De musique, comme je sais que tu chantes et tu fais la musique, donc on peut partager vous deux, mais alors quel genre de musique vous partagez avec tes enfants? Alors là, c'est des compositions. Alors déjà, c'est des compositions qu'on crée à deux. Mmh. Et là, c'est de la chanson pour enfants. C'est des comptines modernes, on va dire, en rapport avec l'histoire qu'on raconte. Ah, oui. C'est de la chanson pour enfants. D'accord. Ok. Voilà, suivant l'âge, pour les plus petits, c'est des chansons un peu courtes. C'est pas qu'elles sont plus simples, mais elles traitent pas des mêmes thèmes. Elles sont peut-être plus faciles à retenir. Et puis les chansons pour les plus grands, on les travaille pas forcément plus, mais elles sont plus riches de sens et de contenu. Mais ça reste du fun, hein. C'est vraiment de la musique sympa que n'importe qui peut écouter, hein. C'est tout public. Hein. Donc ça veut dire que vous restez quand même assez longtemps, vous restez beaucoup pour chercher des choses, parce qu'il y a la musique, il y a les thèmes, après comment parler devant les enfants, tout ça, il faut trouver tout cela. Bah oui, t'es en train de combattre, finalement, tout le travail qu'on fait, avant. En fait, qui prend beaucoup d'heures, et c'est beaucoup de temps et de travail, mais ça, c'est un travail évidemment qu'on voit pas. Mais pour créer un spectacle d'une heure, il faut travailler pendant deux mois, tous les après-midi, de l'écriture, de la création de décors, lancer des idées, inventer une histoire, tout mettre pour que ça tienne, que tout s'emboîte et que tout tienne debout. Donc c'est du boulot. Parce que quand vous dites que vous êtes dans une école, alors si vous allez peut-être dans 3 jours dans une autre école, vous n'allez pas dire la même chose. Vous avez un peu changé, comment ça s'appelle? Non, Le spectacle, il est écrit, donc il reste fidèle au texte et à l'auteur. Ah oui, on reste fidèle au texte et à l'auteur, cher ami. Le spectacle, on fait tourner dans plein d'écoles. C'est le même spectacle. On fait tourner suivant les demandes. On a trois spectacles et après les écoles choisissent le thème que vous voulez. Ils choisissent le spectacle qui est prêt à être joué. Et donc c'est possible de jouer le même spectacle 10 fois de suite. Bon, pas dans le même lieu, mais dans 10 écoles différentes, on va pouvoir jouer le même spectacle. Mais ça, c'est pas grave, c'est ça le boulot de. Il faut qu'on emmagasine beaucoup de cachets pour en vivre. c'est ça. D'accord. Ok. Bon, on se retrouve juste après. Oui, avec plaisir. On peut se reposer un peu. Avec Isabelle, on se retrouve après. Ok, merci. Il est 14h42. Nous voici donc les Whispers. Thank you. Je suis en pleine négociation avec Morphée. Je suis foutu, j'ai pas sommeil. 4 heures avant de l'étincelle. Toutes les nuits sont pareilles. Je suis en tête à tête avec mes pensées. J'ai tout essayé mais rien ne m'endort. Rien ne m'endort. Que mes paupières soient lourdes. En vrai, j'aimerais seulement pouvoir me reposer. Ma tête est remplie de doutes. Le marchand de sable est plus cher que ce que la vie me coûte. En vérité, l'insomnie s'y est invitée. Mes nuits sont courtes et mes journées sont longues. Le soir quand je m'allonge, je suis plongé dans mes songes. En vrai, l'ennui c'est toutes ces pensées qui m'accompagnent. Quand je vois ce qui se passe dans ce monde. Dis-moi quand est-ce qu'on s'endort. Ma moto, mon dentiste m'a sucré deux molaires et un clébard m'a mordu par derrière. Pour revenir chez moi, j'ai pris l'ambulance et bien sûr, comme c'était mon jour de chance, j'ai un entrain à 120 chez le coiffeur. Trouvé contre toute attente le bonheur. J'ai rencontré Laetitia, gardé tout. Ma maison, mon hortensia, je mets les bouts. Je l'aime me coucher assise ou debout. Tout sifflant la papolaise à genoux. Gardez vos petites hières et gardez tout. Et vos matchs à la télé, c'est y tout. Vos débats soporifiques entre nous. Vos sondages politiques, je m'en fous. Tous vos paradis bidons de 4 sous. C'est un grand bonjour à Kenza avec tout simplement des nouvelles chansons en duo avec Valentin dont le titre s'appelle Papa. Cuvette des chiottes que les yeux. Toi le soleil de l'été, tu viens briller sur ma page. Tu pars au petit matin, juste gagner notre pain. Moi sur les bancs de l'école, tu sais ce n'est pas très drôle. Je t'attends la nuit, le jour. J'ai froid quand j'ai peur. Papa, je t'attends quand t'es pas là. Je sais pour moi ton amour. de mon cœur. Je cherche toujours tes bras. Quand tout va, je dis papa. Je t'attends la nuit et le jour. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc un retour avec tout simplement les invités. Voilà donc un retour avec... tout simplement avec Isamor, Isalor, voilà. Voilà, bonjour. Bonjour. Voilà, donc eh bien, heureux de aussi te retrouver aussi. C'est déjà venu déjà à la soirée conscienne avec un samedi avec Sébastien. Donc, eh bien, t'es avec moi pour cet après-midi pour te présenter avec aussi ton nouveau CD aussi. Oui, bonjour Nico. Voilà, merci d'être venu. Alors, comment ça t'arrête de faire plusieurs chansons, tes nouvelles chansons? Comment? Avec que maintenant que tu as fait des nouvelles chansons, toutes nouvelles que tu vas présenter? Oui, j'ai 5 nouvelles chansons. D'accord. Donc alors, quel style que tu as fait à l'intérieur dans ces 4 morceaux différentes? Il y a plusieurs styles et il y a j'ai de la variété. Hein, et certaines chansons sont plus calmes que d'autres. D'accord. Tiroir caisse est une chanson un peu plus dynamique puisque je l'ai écrite suite à une visite que j'ai faite, que j'ai rendue. J'ai rendu visite à une amie qui a une boutique et sa boutique est en faillite. Donc je suis sortie de la boutique et j'ai compté mes pièces, je me suis aperçue que je n'avais pas suffisamment pour l'aider. J'étais vraiment triste et j'ai écrit cette chanson, voilà, en jouant avec les chiffres. Ah oui, je m'appelle les chiffres de la chanson. D'accord, je m'appelle. Oui, c'est un peu dur. J'ai écouté aussi quand j'ai eu la musique, tout ça. Ben, c'est un peu compliqué à bien calculer les numéros. Ah ouais, il n'y a pas de calcul à faire. Ah oui, hein. On espère que ce sera un tube et que ça nous permettra de, d'ouvrir la boutique qui est maintenant fermée. Et c'est triste. Hein. Et voilà, les problèmes économiques, on ne va pas aborder ce thème. Non. On va parler de tes chansons que tu aimes faire déjà, pour maintenant. Voilà, c'est ça. Ouais. Je suis auteur, compositrice, interprète. Chacun son orientation. Mon orientation, c'est pas d'aider ceux qui n'ont plus de fric, qui sont SDF. Mon orientation, c'est de donner du bonheur avec quelques mots, une mélodie. Ce sont mes mélodies, mes paroles. J'ai en projet un concert au Showcase Time, 48 rue Peyramale à Lourdes, le 28 septembre. D'accord. Ouais, je continue à me produire sur scène à Paris, peut-être au Théâtre Celebrity Center mardi soir. Voilà, j'essaie de me laisser guider, de plus me donner de date en disant je viendrai, puisque je travaille beaucoup chez moi avec mes profs en prévision de ce concert du 28 septembre à Lourdes. D'accord. Je vois que c'est que tu fais avec la guitare. Comment c'est un fait de prendre cette musique, parce qu'il y a plusieurs bases différentes de musique. Et comment c'est un fait de prendre pour jouer de la guitare? J'ai appris quand j'étais adolescente, entre midi et deux, au retour de l'internat. J'avais un prof avec lequel je travaillais. Et je crois que c'est important d'être, entre guillemets, en phase avec les personnes. Donc avec ce prof, quand il a commencé à vouloir m'apprendre les croches, hein, puisque c'était le solfège, hein, la base... Et je n'ai pas continué avec lui, c'était trop difficile. Et il y a des techniques éducatives qui sont adaptées à certaines personnes et plus à d'autres. Et avec lui, ça ne passait pas. C'est-à-dire que si je n'avais pas compris, il s'énervait et il passait à autre chose. Alors que je pense que c'est important de revenir. La répétition, c'est le pouvoir d'enseignement. Et là, aujourd'hui, donc j'ai continué à jouer sans plus. Hein. D'accord. Et là, aujourd'hui, je travaille avec des profs avec qui on est efficace. Ça fait une dizaine d'années que je pratique la scène. Et là, ça fait peut-être 3 ans que j'ai des cours toutes les semaines avec un prof de guitare. Là, pendant les vacances, je vais avoir un autre prof, puisqu'il faut que je sois... Le plus élevé. Le meilleur possible pour la date du concert. Ouais. Mais il faut mieux apprendre lentement et bien que vite fait, et puis après, on n'a rien. C'est ça qu'il faut voir. Exactement, parce que sinon... voilà. Alors, tu veux chanter directement ta guitare, une des chansons qui n'est pas dans la maquette... que je vous propose. D'accord. Avec 4 autres chansons. D'accord, on va t'écouter gentiment. D'accord. Il disait qu'un beau jour il partirait là-bas, plus loin que les saisons, au-delà du trépas. Il naissait sur un dos, s'effaçait sur un rêve, souriait sur le mien, sur la femme, pleurait, s'envoler sur le sol, s'effacer sur le lent, et mourir sur le si en riant aux éclats. Il disait qu'il fallait apprendre à écouter les quelques hommes fous qui vivaient pour chanter, que la musique pouvait renverser les barrières et effacer la haine en oubliant les guerres. Il naissait sur un dos, s'effacer sur un rêve, sourire sur le mien, sur le phare, pleurer, s'envoler sur le s'effacer sur le lent et mourir sur les si en riant. Avec deux mots de son, il faisait une chanson d'un vieux morceau de bois. Il faisait un violon. Il naissait sur un dos, s'effaçait sur un rêve, souriait sur le miel, sur le phare, pleurait, s'envolait sur le sol, s'effaçait sur le lent, et mourait sur les cils en riant, deux éclats. Reviendra dans une symphonie, chantant un requiem comme un hymne à la vie. Sa musique à ses pas, sur son front, dans son cœur, la musique qui fut son âme et son bonheur. Il naissait sur un dos, s'effacer sur un rêve, sourire sur le miel, sur le phare, pleurer, s'envoler sur le sol, s'effacer sur le là, et mourir sur Lucie en riant, tous éclats, en riant, tous éclats. Bien, musique, la musique va bien ensemble. C'est vrai, t'arrives, ouais, c'est vrai. Heureusement, puisque je parle d'un musicien qui a disparu. D'accord. Non, mais c'est vrai, dans les autres mêmes musiques que j'ai écoutées, je trouve que ça va bien ensemble. La base gère bien. Merci, Nico. Non, mais c'est vrai, c'est. Et même toi, dans le. Comment ça s'appelle ? Dans le CD qu'on a tout simplement, il y a quand même. Il y en a trois que j'aime bien. Parce que je trouve que les thèmes vont très bien dans la musique. Et c'est très bien quand on s'est vu tout ça avec Brice, tout ça. Je dis que la première, avec les chiffres, ça c'est une chanson que c'est rigolo. J'aime bien. C'est, quand tu dis tout à l'heure il faut calculer, tu dis non, il faut calculer. Mais c'est vrai, il faut bien gérer la chanson. C'est vrai. D'accord. Alors, en fin de compte, depuis que là, dans tes chansons que t'as, est-ce que t'as un coup de cœur dedans, dans tes chansons ? Parce qu'il y en a des chanteurs ils ont fait peut-être des 100, des 10, etc. Alors, est-ce que dedans, dans les 5 que tu fais ou autre, est-ce que t'as un coup de cœur dedans ? J'aime Tiroir Caisse. D'accord. Et Papa du Ciel. Ok. Non mais chacun, comment dire, a son thème à lui qui réserve, parce que moi j'aime bien, l'autre n'aime pas. Mais oui. Voilà, c'est ça. D'accord. Et alors, quand tu vas directement, quand tu vas chanter devant le public, ça te fait quoi d'y aller comme ça ? Quand on t'annonce, ça c'est quoi ? J'ai quelques minutes de trac. D'accord. Et quand j'y suis, puisque j'interprète, ça passe. Et après, j'ai une paix intérieure que je ne trouve avec aucun autre événement. Comme si écrire des chansons, les composer, les donner sur scène, c'était indispensable pour moi, parce que j'ai toujours écrit et j'étais pas satisfaite parce que ça restait dans mes tiroirs. Et là, maintenant, je pense avoir trouvé ma voix. D'accord. Parce que j'ai besoin de donner à l'extérieur. Donc ouais, c'est vrai qu'après l'avoir donné, je suis satisfaite. Là, pendant 6 mois, j'ai eu des événements difficiles dans ma vie. Donc je ne suis pas montée sur scène, puisqu'il ne faut pas se mettre en danger. C'est un espace sacré. Et quand le peu de fois où je suis retournée, après j'étais vraiment bien et ça a confirmé que c'était ça pour moi. D'accord. Plus que de chercher un éditeur pour mes écrits. Ok. Bah, on va écouter une des chansons qui s'appelle Les Fantômes. Mmh. Et puis on pourra se retrouver juste après. Non, ce ne sont pas les fantômes, c'est le fantôme, ouais. Mon fantôme d'amour. Oui, d'accord. Bah, on écoute. D'accord. Oui. L'enveloppe de mon fantôme d'amour, celle qui garde mon âme de tour en tour. Après ces quelques appels au secours, accorde ces quelques notes d'humour. Leur regard soulignait trop une Deux, trois. c'est ma raison, c'est ta raison, c'est ma raison, c'est ta raison, c'est ma raison. Le 6 est glissé dans les 9, 3 fois 3, c'est mon droit. Pas de tracas, pas de tracas, pas de tracas. Voilà, donc au retour avec eh bien les trois invités. Donc eh bien avec Antoine, Christian. Voilà, c'est ça. Ou disons Chris parce que je connais très bien avec Chris. Et puis donc alors voilà donc eh bien si vous voulez ensemble eh bien vous poser quelques questions. Eh bien pourquoi pas. Alors déjà comme j'ai parlé tout à l'heure avec Isala. Pour les coups de cœur, tout ça. Est-ce que vous, dans les sketchs que vous avez faits, tout ça, est-ce que vous avez un coup que vous aimez très bien dans les sketchs que vous avez faits? Alors, c'est pas des sketchs, hein, c'est des spectacles. Mais oui, il y a des moments dans le spectacle où, effectivement, qui sont... Enfin, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est une question d'appréciation, mais oui, il y a des moments où on sait que bon, voilà, ça va, on va se régaler parce que il y a des répliques qui font que c'est le petit moment, quoi. Ouais. Celui-là, il est mieux que l'autre ou tout ça. Et donc, pas forcément mieux, mais on sait que des fois, on a des répliques cultes et que ça va. On se fait plaisir à des moments, oui, vraiment plaisir. Ouais. Et comment dire au démarrage, quand vous avez fait ensemble, comment votre famille a aimé de cela? Parce que vous avez parlé entre amis, entre votre famille, entre amis. Et comment ils ont géré ça? Comment ils ont aimé? Parce qu'il y en a un que bon, ils aiment bien, ils aiment pas, mais ils disent à leur façon. Bonsoir. Ouais, oui. Toi, ça passe plus, moi. Tu m'entends? Comment? Oui, non, je t'entends. Tiens. Ah, bah oui, voilà. Ton micro fonctionne très bien. Fonctionne très bien. Bah, après, on a le soutien de nos proches, évidemment, parce que sinon, c'est pas possible. Si on a besoin, bien sûr, comme tout le monde, hein, mais d'autant plus qu'on se lance dans un projet artistique, on a besoin comme... C'est un monde assez aléatoire, on a besoin du soutien de nos proches, évidemment. Si en plus on n'a pas le soutien de nos proches, bon, autant pas le faire, quoi. D'accord. Vas-y, tu peux parler, vas-y. Oui, c'est un thème qui est d'actualité pour moi. Ah, voilà. T'as vu. Alors développe. Oui, je pense qu'il est important de ne pas se laisser dévorer par la vie privée pour pouvoir travailler le mieux possible. Et oui, il y a des périodes dans la vie où on traverse des événements douloureux sur le plan familial. Ça peut bloquer totalement la vie professionnelle. J'en sors tout doucement. Voilà, avec de nouvelles chansons d'ailleurs. Hein. Ça, c'est le versant positif. Hein. Et quand vous faites les spectacles, vous restez toujours dans la même base français ou vous parlez un petit peu, vous parlez français étranger, tout ça? Parce qu'il y en a qui peuvent rester que dans la même langue. Ah, bah, de toute façon, c'est des spectacles en français. Hein. Mais va parler anglais à des... Je suis pas sûr que tous les adultes comprennent l'anglais. Va parler anglais à des enfants de 6 ou 7 ans, toi. Non, mais comme ça pour rigoler à tout ça, mais on peut faire des sketchs. Après, ça peut être un parti pris. Il peut y avoir des phrases, voilà. Effectivement. On peut pas faire un spectacle tout en dans une langue étrangère de A à Z, c'est pas possible. Ah non, oui, après, oui, effectivement, il peut sur enfin, selon le thème développé, effectivement, on peut jouer avec certains mots de langue étrangère, effectivement, pour la sonorité ou pour si ça tombe dans le comment dire, si on tombe dans le. Aide-moi, toi, je sais. Je sais, si c'est en rapport avec le thème, oui, bien sûr. Mais non, oui, oui. Voilà. Non, mais là, on fait pas de. C'est vraiment du texte français du début à la fin. Mais après, effectivement, si le spectacle demande, il peut y avoir des incursions effectivement dans une langue autre, anglo-saxonne ou que sais-je. Et est-ce que par exemple dans votre spectacle des fois, est-ce que ça vous intéresserait que les enfants viennent avec un ou deux tout ça viennent avec vous, parce qu'il y en a qui font ça dans les spectacles, ils disent que certains peuvent venir avec eux. Alors voilà ce qu'on essaye de faire et qu'on je pense qu'on a beaucoup on a réussi à développer ça, c'est-à-dire que on essaye de faire participer les enfants maximum, c'est-à-dire qu'ils soient je dirais pas interactifs, c'est un terme très à la mode, et mais je dirais qui se sentent concernés. Voilà, on demande leur aide, on essaye de les faire participer au maximum. Ça, on a fait vraiment attention à ça. D'accord. Plutôt que l'enfant reste passif entre guillemets d'un bout à l'autre du spectacle. D'accord. Mais est-ce que ça répond à ta question? Oui, ah oui, oui, très bien. Très bien, je suis fort aise, cher. Oui, merci, Chris. Oui, parce que ça fait montrer aux enfants qu'ils peuvent aussi assister, enfin, quand mieux que de participer surtout. Voilà, que participer, qu'ils se sentent aussi acteurs quelque part. Bah, voilà, un petit peu, oui. Donc on les. Voilà, et ça, c'est important. Parce que rester assis et voir, c'est bien, mais comme ça leur donne plus d'énergie. Comme ça, ils. Voilà. Tout à fait, oui. Entre eux. C'est il faut de toute façon mais quel que soit le spectacle hein, d'ailleurs hein, il faut toujours une interaction entre les personnes sur scène et les personnes dans la salle, parce que sinon voilà, c'est un peu l'intérêt des spectacles aussi, c'est-à-dire que voilà, on est devant la télé, on est vraiment passif, c'est-à-dire on peut pas interagir là, ce qui est la magie du spectacle vivant justement, c'est cette interaction qu'il y a entre les personnes qui sont sur le plateau et les personnes qui sont dans la salle. D'accord. Là-dedans, quand vous êtes dans les lycées ou les collèges, tout ça, bon, on sait très bien, pour les petits enfants, on sait très bien qu'ils sont combien, 25 ou 30. Mais si vous allez dans un autre système, vous avez plus de monde ou pas qui vient vous voir? Alors, qu'est-ce que tu appelles un autre système? Eh bien, ça veut dire un autre système, c'est que quand vous allez faire votre spectacle hors des. Pour les enfants, vous savez, vous dites que vous allez dans les classes. Oui. Et après, vous allez autre dans les classes, vous allez. Sûrement dans d'autres. Comment ça s'appelle? Donc voilà, merci, dans les salles. Est-ce que vous êtes plus que dans les. Ah bah oui, bien sûr, oui. Après, oui, tu veux parler des festivals, des salles de spectacle, etc. Ah bah là, oui, en fonction de la jauge de la salle, oui, bien sûr, ça peut être beaucoup plus, oui. Mais également, dans une école, on peut. Enfin, il y a ce qu'on appelle une salle polyvalente, hein, oui. Souvent, d'ailleurs, c'est là qu'on avait. Oui, on avait reçu trois classes, je crois, en même temps. Donc, ce qui faisait à peu près 60 et quelques enfants, je crois, c'est ça. Ouais, donc voilà. Et puis en plus les parents sûrement qui sont venus voir en même temps. Alors là c'est sur le temps de scolaire, donc les parents sont pas là. Ah oui, d'accord. Mais effectivement ça peut arriver que c'est sur un temps scolaire et que les parents accompagnent les enfants, tout à fait, oui. D'accord. Et bien on va écouter une musique. Ah bien écoutons, cher ami. Et puis après on verra tout à l'heure. Pas de soucis. Allez. D'accord. Se promène seule, précieuse. quand tous les jours elle fait le fait. Et elle en fait froid dans la vallée du jasmin, dans une tasse faïence bleutée. Jolie garçon, que son destin ravi s'en va en chantant sous la pluie. Jolie garçon, dans toute ta splendeur, tu laisses éclater ton bonheur. Jolie garçon, garçon, garçon. Voilà donc, eh bien, retour avec Isa Lamor, Isa Mort, voilà donc, eh bien, Isa Lamor, voilà, voilà, donc, eh bien, retour. Oui. Ils à la vie, bah, ils à la mort. Ils à l'or, oui, ils à l'or, oui, ça, exactement. Alors, Nico, pour voilà. que tu te souviennes de mon nom d'artiste, je vais te raconter un petit peu cette histoire. D'accord, vas-y, je t'écoute. Mon prénom est Isabelle, bien évidemment. Mon nom de plume, c'était Isa. D'accord. M, puisque M, c'est l'initiale de mon nom de famille. Et j'ai ajouté Isa Lor, parce que Lor, c'est le prénom de mon frère. D'accord. Les trois premières lettres, Laurent. Lor de nos voix, j'ai choisi donc de l'écrire ainsi, ce qui nous donne Isa Lor, L-O-R, apostrophe M, l'initiale de mon nom de famille. Mmh. En plus, M, parce oui. qu'il faut aimer plus quand on veut chanter. D'accord. De mieux en mieux. Donc, tu choisis tout ça. Ah oui, d'accord. Donc, tu as mis tout ça ensemble. A-L-O-R apostrophe M. Ok. D'accord. Alors, maintenant que tu me dis que tu vas essayer de présenter tes chansons, que les nouvelles, que... les... Attends, pas les nouvelles, si la nouvelle que tu as chantée à la radio directement. Et tout à l'heure, on a écouté les deux chansons, tout simplement. Alors, tu peux nous dire c'était quels les titres, les deux titres qu'on a pu écouter? La première chanson que vous avez entendue, Fantôme, c'est une chanson que j'ai écrite suite au passage de mon fantôme d'amour dans ma vie. D'accord. J'ai toujours douté de lui. Parfois, il est distant. Parfois, il est plus présent. Ça m'a inspiré cette chanson. Et ça m'a donné d'être en présence afin qu'il soit toujours présent. C'est donc mon fantôme d'amour qui m'a inspiré toutes les chansons précédentes. Puisque, comme tu le sais, Nico, on a déjà diffusé mon CD il y a un an. Oui. Il y avait une dizaine de chansons et mon premier CD aussi. Voilà, donc j'ai dédicacé cette chanson, fantômes, à celui qui me les a inspirés. D'accord. Et puis après, donc, la deuxième qu'on a entendue, qui était suivie juste après. Tiroir caisse, voilà. Oui. Qui est plus dynamique, qui j'espère deviendra un tube. Cette chanson écrite suite à la visite chez cette amie qui a fermé sa boutique. Ah oui, d'accord, je m'appelle. Ah oui, d'accord. De chiffre en chiffre, nous comptons nos pièces et elle ouvrira peut-être un jour. Ça, on verra. Ça, c'est... D'accord. Alors là, donc, comme t'as écouté tout à l'heure, donc, un de tes nouvelles chansons, alors tu vas encore réfléchir d'en faire d'autres de nouvelles chansons. Des nouvelles, là, je sais pas, on peut écouter Papa du Ciel. D'accord. Ouais, c'est ça. Papa du Ciel que j'ai écrite suite au décès de mon père il y a quelques mois. Voilà. La suivante, c'est Quand, une chanson que j'ai écrite un soir de pleine lune, dans une ville d'où je suis originaire. Ah oui, d'accord. Et en fait, quelle référence de musique que tu as exactement? Chacun a une référence. Ah, quelles sont mes sources d'inspiration? Ouais. Plusieurs auteurs, compositeurs et compositrices interprètes. Lio, Véronique Sanson, Vianney, Florent Pagny, Jane Birkin. D'accord. Il y a un peu une base de différents, plutôt. Tu restes plutôt dans chansons françaises que et chansons un peu étrangères. Ah oui, oui, oui, plus que chansons étrangères. D'accord. Louane, même si j'ai plusieurs dizaines d'années de plus qu'elle, ouais. C'est ce style de chansons, oui. Chansons à texte. D'accord. Ben, on va écouter, comme tu dis, avec Papa du Ciel. On se retrouve après. Ok. Dac. Notre petit papa du ciel, toi qui nous donneras donc, eh bien, c'est le titre qu'on a pu entendre tout simplement avec, non pas tout simplement quand, mais papa, le ciel. Voilà. Oui. Ça, exactement. Oui, papa du ciel. Oui, exactement. Ouais. On a tous le même là-haut. D'accord. Donc, eh bien, c'est bien, c'est que on essaye de découvrir des chansons, bien qu'on connaît pas tellement tout ça, parce que on reste toujours sur la même raison. Non, pas raison, sur la même tranche, que c'est toujours les mêmes chanteurs, chanteuses qu'on entend tous. Mais sur les chansons qu'on connaît pas tellement bien, eh bien, peut-être que faut les faire un peu reconnaître. Comme ça, eh bien, ils ont plus après, eh bien, voir si les gens aiment bien ou pas. Et comme ça, on voit tout ça. Oui, merci pour cela. Non, c'est vrai, parce que faut essayer de, comme j'ai dit tout à l'heure à Chris, ce n'est pas toujours la peine de rester tout seul dans une caisse. Non, parce que comme ça, si on peut se faire écouter un peu partout, eh bien, on voit tout simplement d'autres personnes, comment ils trouvent la chanteuse ou le chanteur, comment ils chantent, et puis après, on voit si les autres vous aiment bien. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire, parce que si on passe toujours les mêmes chansons du matin au soir, ça ne va rien dire. Tout à fait. C'est vrai que nous, on a besoin de ça pour progresser, afin de savoir dans quel filon on peut s'orienter pour pouvoir donner le meilleur. Hein. Et ouais. Exactement, comme ça, ça fait montrer, eh bien, tout simplement que après, au début, on reste comme ça, mais après, vous êtes sur scène, en fin de compte. Mais il y a des lieux qui sont plus adaptés que d'autres pour ce style de chanson. D'accord. Et des auditeurs, effectivement, qui apprécient plus que d'autres. Et c'est important de le savoir, ça. Ouais. D'accord. Ben, on va écouter la quatrième, ou maintenant la cinquième, parce qu'on a écouté tout à l'heure les deux chansons, plus la nouvelle que tu as faite. Donc, en comptant bien, ça fait cinquième. Voilà, c'est ça. D'accord. C'est la cinquième, la petite dernière. D'accord. Et bien, on va l'écouter. Vive la pleine lune. D'accord. l'espoir d'un jour meilleur. Et l'espoir d'un jour meilleur. Voilà donc, et bien écoutez, voilà, tout simplement le meilleur avec le titre, ce qui s'appelait. qui vient bientôt, ils vont tout simplement s'arrêter. Je remercie donc Chris, tout simplement, et puis Antoine qui est venu, tout simplement. Eh bien, merci d'être venu. Bientôt, hein. Oui. Ah, là, c'est bon, tu m'entends. Non. Moi, je... oui, mais moi, je m'entends pas. Bah, peut-être qu'on m'entend, je ne sais pas, je sais. Je... Oui, si, si. Dites-le moi. Oui, si, c'est bon. Et là, c'est bon. Et là. Ah, oh là là. Ouais. Voilà. Eh bien, non, je te remercie. Eh bien, nous te remercions aussi, mon cher Nico, de nous avoir accueillis dans ton émission. Et puis, à très bientôt. Ouais. Et puis, bientôt à tous les auditeurs. Non, mais c'est gentil, parce que comme ça, on a pu voir à peu près comment vous faites pour votre spectacle. Bah oui. Tout ça, tes en... même si c'est les enfants, tout simplement, c'est. Voilà. Ok. Bah, merci bien. Bonne fin d'émission. Ok. Et à bientôt. D'accord. Merci. À bientôt. Merci. Au plaisir. Au plaisir. Ouais. Antoine. Oui, Lisa. Christian. Et Christian. Allez, t'as toi. Allez, cette chanson. Au revoir, Brice. Oui.

Donc après Tahiti, je vous laisse avec Barry White. Heart is full of love, so much love. And yet I know that man can't live by love alone. So I call on you, because you know my mind and my heart. Give me everything I need to love her. And give me everything I must have to keep her. She's everything to me. Are just not enough. To me, it's just not enough. I mean, I'm not sure if I'm doing everything I can to make her understand that our love is everlasting. And I've got to be sure, and I have to know that I'm doing everything that I should be. That I'm being everything that I should be. You know she's everything to me. Deuxième donc Barry White, et puis juste après ce sera un autre titre différent avec Christophe. Rising Je veux m'abreuver à ta source et plonger dans l'éternité, m'étendre sur ton lit de mousse, rester là à te contempler. Si cela ne peut te suffire, si tu ne veux rien me donner, je paierai avec mon sourire, ou je viendrai te le voler. J'avais la clé de ton âme, je viendrais pour te libérer. Je t'ai cherché dans chaque femme, et je veux apprendre à t'aimer. Mais si un jour tu m'abandonnes, tout ce qui me consolera, ce sont ces instants qu'on se donne et qui n'appartiennent qu'à moi. On est riche de ce que l'on donne, pauvre si l'on veut tout garder. Je ne peux vivre sans personne, ma joie c'est de la partager. Je voudrais tant que tu me donnes ce que tu n'as jamais osé. Je veux être le premier homme à qui tu t'offres sans compter. Je voudrais être le dernier dans ton cœur et dans tes pensées. Dans la masse de questions subsidiaires, si j'ôte l'inutile, il ne reste que toi. Si je fais de la place et lève les barrières, des contraintes futiles, il ne reste que toi. Si j'écarte la charge du passé, si je regarde ailleurs, si j'écoute mon cœur, l'horizon se dégage et j'y vois ton visage. Tout est clair, il ne reste que toi. Dans ce silence, seule évidence, dans la nuit, il ne reste que toi. Comme une danse dans ma vie. Si j'enlève l'occulte, l'absurde et l'illicite, les bluettes fugaces, il ne reste que toi. Si j'ignore ce tu es,

pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Voilà, je laisse avec Michel Jonas. Take a ride, je vais me balader. Faire des courses sur Riverside, California, LA. Les mots qui s'échappent de ma bouche, c'est l'anglais. Enfin, I wanna go to Mama Gouche, that way. Rendez-vous 11h au studio, tout le monde est à l'heure. Les gars, hello, c'est encore le French singer. Demain je retourne au pays, demain je fais la valise. C'est le dernier jour aujourd'hui, alors on improvise. Mais j'ai pas les mots. Dans cette circonstance, blue baby blue, je vais m'envoler si ça se trouve, baby blue. Me laisser porter par ce mouvement qui goûte. Blue baby blue, tu peux pas savoir ce que j'éprouve. Doit être mon cœur qui s'ouvre, baby blue. Blue, baby blue. Bye-bye. On se donne rendez-vous tous à Paris. Ok, Marco, bye-bye. Bye-bye. Avant que mon avion quitte la terre, qu'il m'emmène dans les nuages. Je prends le freeway jusqu'à la mer, je vais marcher sur la plage. Le jour se lève, y'a une fille qui danse sur le sol, une stéréo. Je lui lance hello, mademoiselle. Elle me répond hello. Oh, you French. Je connais, je t'aime, c'est l'amour. Je connais, c'est la vie. Elle m'a dit je t'aime en français. Oh, j'aimerais lui dire moi aussi. Mais j'ai pas les mots. J'ai pas les mots. Pas les mots, non. Cette circonstance, blue baby blue, je vais m'envoler si ça se trouve, baby blue, me laisser porter par ce mouvement qui joue. Blue baby blue, je veux pas savoir ce que j'ai. Être mon cœur qui s'ouvre, baby goo. Goo, baby goo, baby goo. Je vais m'envoler si ça se trouve, baby goo. Me laisser porter par ce mouvement qui goo. ici où faire son nid. Avec Julie, où dormir seul dans son lit. C'est quoi qui fait envie? Aventurier ou congé payé. Repos du guerrier ou bien 3 semaines en été. Je veux les deux, s'il vous plaît. Moi j'ai grandi à peine, n'ai pas toujours trouvé. C'est quoi qui vaut la peine, c'est quoi qui fait rêver. J'ai pas trouvé la clé. Rester c'est bien, mais partir c'est bien. Quand c'est pas loin, quand c'est au bout du jardin. Donc il est exactement eh bien 16h50 minutes, et eh bien dans 10 minutes vous allez retrouver eh bien Funky entre 17h jusqu'à 19h. Voilà, donc on va se retrouver tout simplement eh bien mardi prochain entre 14h jusqu'à 17h, et puis vendredi même heure entre jusqu'à pour l'émission tout simplement Est-ce comme souvenir. Et bien, on va terminer tout simplement l'émission avec du country. Et je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Eu sou empresário e sei separar o trigo do joio. Eu sou cientista e sei que o sucesso é fruto de muito trabalho. Eu sou estudante e acordo com as galinhas. Eu sou professora de bodyboard, trabalho sol a sol. Nós somos a geração que não fica à espera. E o que nos distingue não é aquilo que fazemos, é a fibra de que somos feitos. Crédito Agrícola, o Banco Nacional, com pronúncia local. La fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel, c'est le samedi 29 et le dimanche 30 juin prochain à Fleury-les-Aubrais, au parc de Lirolles. Rendez-vous samedi à 19h pour le dîner sur place avec les bonnes grillades et spécialités portugaises. Mais au son de Cape Negre qui nous fera danser toute la nuit. Et Carlos Pires et ses musiciens ouvriront les festivités. Mais c'est super ça. Et dis-moi, au programme le dimanche, c'est quoi ? À partir de 11h, à table. Mais plus tard, plusieurs artistes seront au rendez-vous. Michael Freire. Fernando Martins. David Garcia. Ruth Marlene. Iseo Ballerino. Eh bien les amis, pour mettre une touche d'originalité, on vous demande de vous habiller de blanc pour apporter un maximum de lumière à notre Noite Blanca le samedi 29 juin. C'est trop bon tout ça. C'est une bonne idée, hein. Alors, faites passer le message à vos familles, à vos amis et venez tous en blanc. Radio Arc-en-Ciel vous attend très très nombreux pour accessoiriser vos belles tenues blanches. Então não se esqueçam, sábado 29 e domingo 30 de junho no Parque de Lirolles em Fleury-les-Aubrais. Venham lá ter conosco para passar um fim de semana excepcional. Convidem seus familiares, seus amigos e toda a gente para que esta festa seja um sucesso e dar o seu valor merecido à nossa Rádio Arc-en-Ciel. Contamos contigo? On compte sur vous. Vamos à festa, matar saudades dos tempos dos reis. Vamos à festa. Gosto de sentar a pedrinha. Sou calceiro, tapo buracos na estrada. Sou calceiro, mas que feliz sorte a minha. Pois passo o dia sempre a dar a martelada. Essa era o Pavé Igor, é o especialista do pavage, la création d'allées, de clôture, de terrasse e dans la maçonnerie. SARL Pavé Igor saura vous conseiller sur le choix des pavés granit, type, couleur, disposition, afin de vous fournir des prestations personnalisées à la hauteur de vos attentes. Nos prestations sont dédiées aux particuliers, aux professionnels et aux collectivités. SARL Pavé Igor, 59B, route nationale 20, 45 520 à Sercotte. 02 52 16 09 93 ou au 06 06 67 31 34. Pavé Igor recherche actuellement un poseur de pavés avec expérience. Pavé Igor procure atualmente un calceiro com experiência. Contacte já au 06 06 67 31 34. SARL Pavé Igor, 59 route nationale 20, 45 520 Sercotte. 02 52 16 09 93 ou 06 67 31 34. Nem é preciso estudar para ser bom calceiro. 100% nível alto pour votre plaisir. Right? C'est le temps des idées, c'est le temps des envies. Avec l'entreprise DCM de Castro, vous avez l'assurance de la parfaite réalisation de vos projets. Décorations, peintures et sols, revêtements muraux, ravalements, traitements de toiture. Choisissez DCM de Castro, le professionnel fort de 30 années d'expérience dans notre région. DCM de Castro, 39 rue de Vaucouleurs à Orléans. Téléphone 02 38 66 61 35. DCM de Castro, le bon choix pour réaliser ses rêves. Et où courez-vous ?